بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم الدرس 61 aujourd'hui on a le 61e cours dans l'exégèse d'Allah du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala في تفسير كتاب رب العالمين. Et comme vous le savez, donc, durant ce mois de Ramadan, les musulmans reviennent et augmentent la lecture et la récitation du Coran. فَيَنْبَغِي كَذَلِكَ دِرَاسَةَ التَّفْسِيرِ. Et donc, il est aussi important d'étudier l'exégèse de tafsir afin qu'on comprenne ce qu'on lit. Afin qu'on comprenne la signification des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aujourd'hui, on va commencer Surat Al-Qadr. Aujourd'hui, on commence la Surat Al-Qadr, le destin. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit après la Basmalah, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te fait savoir ce qu'est la nuit du destin? Laylatul qadri khayrun min alf shahr. La nuit du destin est mieux que 1000 mois. La nuit du destin est mieux que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Les anges, donc durant cette nuit, les anges ainsi que ar-ruh, Jibril, ils descendent par permission de ton Seigneur, par permission de leur Seigneur. Pour tout ordre. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et elle est, donc c'est-à-dire cette nuit, elle est salut jusqu'à l'arrivée du fajr. Salut, c'est-à-dire, c'est pas la salutation, c'est-à-dire le fait d'être préservé. Comme on dit, le salut, c'est le fait d'être préservé de tout danger. Ou alors on a dans la religion aussi, même chez les chrétiens, le salut, le fait d'être préservé du feu de l'enfer. Le fait d'être préservé du feu de l'enfer. Et donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Ay anzalna al-Qur'an. C'est-à-dire que nous avons fait descendre le Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre le Qur'an durant la nuit du destin. Ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit, أنزل الله تعالى القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc il dit, Na'abbas radiallahu anhuma, que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre le Coran en une fois, depuis Al-Lawh al-Mahfouz, les tablettes protégées, jusqu'à Bayt al-Izzah, au dernier ciel. Puis, après cela, le Coran est descendu petit à petit en fonction des événements durant 23 ans. Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa ma adraka ma laylatul qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et donc qui te fera savoir ce qu'est la nuit du destin? Hadha ta'zimun li hadhihi al-layla. Ça c'est pour montrer l'importance de cette nuit. Fa inna laylatal qadr laysa ka sa'iri al-layali. Car cette nuit, la nuit du destin, elle n'est pas comme toutes les nuits. Elle n'est pas comme les autres nuits. Thumma shara'a tabaraka wa ta'ala fi wasfiha. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a commencé à nous décrire comment elle est cette nuit. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors il nous dit tabaraka wa ta'ala laylatul qadri khayrun min alf shahr. La nuit du destin est mieux que 1000 mois. La nuit du destin est mieux que 1000 mois. Subhanallah. Laylatun wahida khayrun min alf shahr fi thawabi wal amali fiha. wal baraka. Une seule nuit est meilleure que 1000 mois. Une seule nuit est meilleure que 1000 mois dans les récompenses, dans les œuvres, dans la bénédiction. وهذا يحثنا أيها الإخوة على كثرة العمل في هذه الليلة. Et ça nous appelle, oh chers frères, à beaucoup œuvrer durant cette nuit bénite, car elle est meilleure que 1000 mois. La récompense est plus grande. Nous ne devons pas négliger ce point essentiel. وهذه الليلة سميت ليلة القدر لأن الله تبارك وتعالى يقدر فيها مقادير عباده. Et cette nuit, elle a été appelée la nuit du destin, parce que durant celle-ci, Allah tabaraka wa ta'ala va déterminer le destin de ses serviteurs. Il dit inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundirin. Certes, nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, nous l'avons fait descendre durant une nuit bénite. Certes, nous avertissons, c'est-à-dire nous avertissons d'un châtiment terrible. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Durant celle-ci, durant cette nuit, est décidé tout commandement sage. Tout commandement sage. Et donc le destin de chacun des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Durant cette nuit, la nuit du destin. Wa hadhihi layla min layali Ramadan. Et cette nuit, elle fait partie des nuits de Ramadan. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois du Ramadan est celui durant lequel le Coran fut révélé. Encore une fois, on le dit, Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas dit le mois du Ramadan est celui durant lequel le repas a été préparé. Non. Le mois du Ramadan est celui durant lequel le Coran a été révélé. Le repas que tu manges le soir, ce n'est pas la chose la plus importante. Le plus important est que tu médites sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, que tu œuvres avec celle-ci. C'est ça le plus important. Voilà pourquoi nous accordons autant d'importance au Coran durant les nuits de Ramadan. Voilà pourquoi celui-ci est récité, parce que nous devons y méditer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. Durant celle-ci, durant cette nuit, les anges ainsi que الروح, Jibril, descendent par la permission de leur Seigneur avec tout ordre. Les ordres n'ont pas été cités. Donc nous ne savons pas quels sont ces ordres. Mais nous savons que les anges descendent. فالملائكة الذين هم سكان السماوات ينزلون في الأرض شيئا شيئا شيئا فشيئا. Et donc les anges qui sont les habitants des cieux, durant cette nuit, ils descendent sur la terre petit à petit. ونزول الملائكة في الأرض دليل على الرحمة والخير والبركة. Le fait que les anges descendent sur terre, ceci est une preuve, ceci est un signe de la bénédiction, de la miséricorde, du bien. Ta'ammalou fi hadha ayyuhal ikhwa. Oh les frères, méditez sur ce passage important. Méditez sur ça. Fanuzulul mala'ikati fi makanin ma dalilun 'ala al-khayr al-mawjoud fi hadha al-makan. Le fait que les anges descendent dans un endroit spécifique est une preuve du bien qu'il y a dans ce lieu. Wa kaunul malaikati tamtani'u min ad-dukhul fi makanin ma dalilun 'ala ash-sharr al-mawjud fi hadha al-makan. Et le fait que les anges refusent de rentrer dans un endroit spécifique est une preuve du mal qui est présent dans ce lieu. Akhraj al-Bukhari wa Muslimun fi sahihayhima. Akhraj al-Bukhari wa Muslim في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد فقال له إنا لا ندخل في بيت أو إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur sahih, selon Ibn Umar, radiallahu anhuma, que Jibril, donc, a donné un rendez-vous au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, dans sa narration, elle rapporte, elle dit, « Fi sa'ati allati ya'ti » à l'heure, au moment où il vient d'habitude. Sauf que Jibril a tardé, jusqu'à ce que ça devienne difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de patienter. Il est où Jibril? Que se passe-t-il? Alors il est sorti sallallahu alayhi wa sallam et il a rencontré Jibril. Il lui a annoncé, donc il s'est plaint de ce qui s'est passé. Alors Jibril il lui a dit, certes nous ne rentrons pas dans une demeure dans laquelle il y a une image ou un chien. Nous ne rentrons pas dans une demeure dans laquelle il y a une image ou un chien. Taïb, maintenant on médite sur notre situation. Ayyuhal muslimoun. Comment on est chez nous? Comment on est chez nous? Combien de parents ils se plaignent? Nos enfants font des cauchemars? Ou combien ils se plaignent? Oui, sihr. Ou Aïn, Djinn, Shéatin, Esh, Rokia, s'il vous plaît, please, Minfadlik. Taïb, combien d'images il y a dans les maisons? Combien d'images? Les images sont partout maintenant. Est-ce qu'on fait attention à ça? Les anges ne rentrent pas dans les demeures dans lesquelles il y a des images. Barakallahu fikum. On doit faire attention à ça. C'est important. Rappelez-vous, on a vu la semaine dernière la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lahu mu'aqibatun bayna yadayhi wa min khalfihi min bayna yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Il a des anges derrière lui et derrière et devant lui. Le serviteur d'Allah, nous avons tous des anges qui nous protègent. Il a des anges devant lui et derrière lui qui le protègent de l'ordre d'Allah. On a vu la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit que ses anges protègent le serviteur, sauf d'une chose dont Allah tabaraka wa ta'ala a permis que cette chose atteigne le serviteur. Alors à ce moment-là, les anges laissent cette chose atteindre le serviteur. Mais sinon, dès qu'il y a une chose qui vient, homme, djinn, ou bête, ou autre, les anges, ils disent à cette chose, wara'ak, recule. Wara'ak. Sauf si Allah tabaraka wa ta'ala a permis à cette chose de passer, alors les anges laissent cette chose passer. Taïb, dans ta maison, il y a plein d'images. Tu fais comment? Plein d'images. Et après, on vient dire, s'il vous plaît, une rokia, s'il vous plaît, si, s'il vous plaît, ça. Hein? C'est quand qu'on revient vers notre Seigneur tabaraka wa ta'ala et qu'on lui obéit pleinement. Udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Rentrez pleinement dans la religion. Rentrez pleinement dans la religion et ne suivez pas les traces du diable. C'est pas supermarket. Tu viens pas faire tes courses, choisir. Alors, dans la religion, je prends ça, ça, ça. L'interdiction des images, non, je prends pas. Il n'y a pas encore les soldes. Non, c'est pas comme ça. Rentre pleinement dans la religion, c'est pas toi qui décides. Il y en a une, elle a écrit un livre dernièrement, je sais même pas si c'est dernièrement qu'elle l'a fait, mais ils en ont parlé dernièrement de son livre, Kahina Bahloul, la femme qui est imam. La femme qui est imam, donc près de Paris, elle a fait un livre. Son livre, Mon Islam, Ma Liberté. mon islam. Et donc tu choisis l'islam que tu veux, mon islam. C'est plus toi. C'est toi qui fais cette législation. C'est toi qui choisis ce que tu veux, mon islam. Aujourd'hui, parfois, certaines personnes vont avoir cette ambiguïté. Ils ne vont pas te dire mon islam, mais ils vont avoir cette ambiguïté. Ils vont choisir un peu ce qu'ils veulent de l'islam. Nous devons nous soumettre. L'islam, la soumission, tu te soumets. Tu n'as pas à choisir. C'est pas toi qui choisis. Ça, c'est la différence entre nous et les kafaras. Hein? Les kafaras qui ne sont pas satisfaits du décret d'Allah. Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi est-ce que le voile? Et pourquoi si? C'est pas vous qui décidez. C'est pas nous qui décidons. C'est Allah. Nous, on est soumis, c'est tout. On obéit, un point, c'est tout. Et ça, on le verra en détail, inshallah ta'ala, dans Surat al-Bayyinah. Dès vendredi, bi'idnillah, tafsir de Surat al-Bayyinah, inshallah ta'ala. Très, très, très important. Et donc, ces anges-là ne rentrent pas. Qalatil ulama ha'oula il mala'ika humul ladina la yadkhulun. Et donc, ces anges-là, les anges qui sont censés nous protéger, c'est eux qui ne rentrent pas dans les demeures dans lesquelles il y a des images. Amma Al-Kataba Fahada la yamna'uhum min ad-dukhul. En ce qui concerne les anges qui sont chargés d'écrire tes bonnes et mauvaises actions, cela ne les empêche pas de rentrer. Et donc ne dis pas « Ah, je vais mettre des images à la maison, comme ça je peux faire tous les péchés que je veux. » Hein? Car cela n'empêche pas au Kataba de rentrer. Les anges qui sont chargés d'écrire tout ce que tu fais. Eux, ils viennent dans tous les cas. Ils viennent dans tous les cas. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Ma yalfidhu min qawlin illa ladihi raqibun atid » Il ne prononce aucune parole sans qu'il ait auprès de lui un gardien scribe. Et donc ici, on a cet ange qui est tout le temps là. Sourat ou pas. Image ou pas, il sera tout le temps là. Par contre, les anges qui viennent te protéger, non, si tu mets des images à la maison, non. Et donc, nous devons faire attention à ça, oh cher frère. Nous devons faire très très attention à ça. ثُمَّ خَتَمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى هَذِي السُّورَةِ فَقَالَ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Et celle-ci, donc, cette nuit, est salue jusqu'à l'apparition du fajr, de l'aube. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله وصفها الله تعالى بالسلام لكثرة الخير أو لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوبتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit que Allah Ta'ala a décrit cette nuit par le salut à cause du grand nombre de serviteurs qui sont préservés durant celle-ci des péchés et de leurs sanctions. Le grand nombre de serviteurs qui sont préservés durant cette nuit des péchés et des sanctions qui sont liées à ces péchés-là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui veille, qui prie durant la nuit du destin, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. » Ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc celui qui prie durant cette nuit. Et donc tout ça, oh chers frères, ça nous appelle à faire quoi? À ne pas négliger cette nuit. À ne pas négliger cette nuit. Taïwa Metahiya, elle est quand cette nuit? Quand? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu cette nuit. Puis, il l'a oublié. Hikmatan min Allah tabaraka wa ta'ala. Une sagesse venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cependant, il nous a dit, il tamisuha fil ashril awakhir. Recherchez cette nuit durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Taïb, elle est où la sagesse dans le fait qu'on ne connaisse pas cette nuit? Mais il y a le hikmah. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas exactement c'est quelle nuit? Qalatil ulama li yatamayyazu as-sadiqu min al-kaslan. Afin que celui qui est sincère Celui qui est sincère se distingue du feignant. Celui qui est feignant, il va dire, oh, je suis allé, allez, 10 nuits, il faut chercher à fond comme ça, il faut œuvrer, œuvrer. Par... 10 nuits. C'est pas grave, Mali, l'année prochaine. L'année prochaine, Inch'Allah, je serai meilleur. Celui qui est sincère, non, tout de suite, allez. Ah non, je ne vais pas la laisser passer les 10 dernières nuits à fond. Je ne laisse pas passer. Pourquoi ? Parce qu'il est sincère. Wa aydan min hikam hadha al-amr kathrat al-amal fi hadhihi al-ayyam. Aussi parmi les sagesses qu'il y a dans cela, le grand nombre de bonnes actions qu'il y a durant ces dernières nuits. Pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas exactement c'est quelle nuit. Et donc pendant toutes les nuits, toutes les 10 dernières nuits, ils vont faire du khair, du bien, lecture, tafsir, qira'a, salat, etc. Pendant toutes ces nuits-là, ils vont œuvrer. Par contre, s'ils savaient que c'était telle nuit, la nuit du 27 ou la nuit du 25 ou autre, ils auraient dit, on va choisir celle-là et c'est celle-là durant laquelle on va se donner à fond. Et le reste, alhamdoulilah, on se repose. Tandis que là, non. Pendant toutes ces 10 dernières nuits, ils vont se donner à fond les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui veulent vraiment cette récompense. Et donc, mes frères, nous devons nous efforcer. Alhamdulillah, maintenant nous sommes en début du mois du Ramadan. Préparons-nous pour cette fin du mois de Ramadan. On commence dès maintenant. N'attends pas le dernier moment, parce que sinon ça sera difficile. Ne te dis pas, bon, je me repose maintenant, et après les 10 dernières nuits, je me donne à fond. Si tu fais ça, comme on a vu hier, tu vas tomber face à un mur, ça sera difficile. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas fait d'effort avant. Et donc après, tu commences d'un coup comme ça, ça sera difficile. Par contre, si tu te prépares, alors là, c'est plus facile. Et notre religion, elle nous appelle à ça, les frères. Notre religion, elle nous appelle à ça, à nous préparer. On a les actes surérogatoires avant les actes obligatoires. Hein ? Afin que tu sois bien, que tu te prépares avant cet acte obligatoire. On a le mois de Sha'ban avant le mois de Ramadan, durant lequel les musulmans ils jeûnent beaucoup pendant Sha'ban pour se préparer pour Ramadan. C'est pas tarif, t'es là et t'enchaînes premier jour, deuxième, troisième, ah, tu cales. Non, tu t'es préparé déjà avant. Pendant Sha'ban, tu t'es préparé, t'as jeûné plusieurs jours et maintenant t'es prêt. Et donc, notre religion, elle nous appelle à ça, à nous préparer pour ces événements. Et donc là, maintenant, pendant les premières nuits de Ramadan, tu te prépares pour la fin. Vas-y, petit à petit, Inch'Allah ta'ala. On arrête là pour aujourd'hui. Et le tafsir, vendredi prochain, pour l'exégèse de Surat al-Bayyina, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.